D'après le journal d'Internet sud-coréen La Voix du Peuple, les croyants du bouddhisme Won ont livré dès le 27 avril à la place de Gwanghwamun à Séoul la grève illimitée contre la disposition du SAD et pour la paix de la péninsule coréenne, alors que les habitants de Songju et de Kimcheon de la province du Gyeongsan du Nord et de la ville de Séoul ont commencé le 29 avril la lutte pour le retrait du SAD. Ils ont marché depuis le pavillon Poshin de Cheonglo jusqu'à l'ambassade américaine tout en criant le mot d'ordre « Retrait de la disposition du SAD contre la paix ». Le même jour, la place de Gwanghwamun a abrité l'action de paix de 10 millions civils contre la guerre et le SAD sous les auspices du comité de mesures extraordinaires pour la sauvegarde du lieu sacré de Songju du bouddhisme Won.